Chapitre 221. Le mérite pour le jeûneur de prendre un repas avant l'aube et de le retarder au maximum. 1229. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Prenez le suhur, repas pris par le jeûneur avant l'aube, car dans le suhur se trouve une bénédiction. » Al-Bukhari et Muslim. 1230. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, a dit « Nous avons un jour pris le suhur avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis nous nous sommes levés pour la prière. Combien de temps s'était écoulé entre eux ?» lui demanda-t-on. « Le temps qu'il faut pour lire 50 versets, » répondit-il. Al-Bukhari et Muslim. 1231. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait deux muezzins, Bilal et Ibn Maktoum. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Mangez donc et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum. » Ibn Omar ajouta « Entre les deux adhans, il y avait juste le temps pour le premier de descendre et le second de monter. » Al-Bukhari et Muslim. 1232. Selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, juifs et chrétiens, se trouve dans le suhur. » Muslim. 1233.